Ici Mario Fortin, maire de la ville de Normandin. Du 9 au 11 août 2019 aura lieu la 18e classique de volleyball de plage Family Prix Jeannie Larouche à la Chutelourde de Normandin. Des joueurs de partout au Québec participeront à cet événement haut en couleur. J'invite les gens à venir en grand nombre au site touristique de la Chutelourde afin de voir du haut calibre de volleyball de plage. Félicitations à toute l'équipe d'organisateurs pour cet événement et je souhaite une bonne classique à tous. On va parler de basketball. Il se passe des nouvelles quand même intéressantes avec la Coupe du monde de basketball qui va être disputée à la fin du mois d'août, début du mois de septembre. Plusieurs joueurs canadiens ont déclaré forfait. Lou Wiggins, on le savait, on avait parlé avec Pascal avant les vacances. Mais là, maintenant, il y a R.G. Barrett. Il y a également Chris Boucher. Et à quoi ça va ressembler? Puis c'est de valeur parce que quelque part... c'était une qualification importante pour les Olympiques. On en parle avec Pascal Jobin. Salut Pascal. Salut Danny, comment ça va? Ça va bien. Responsabilité, Pascal? Responsabilité, occupé avec mes camps personnels et je viens de recommencer avec McGill là, pour une petite 2 semaines. On a 5 matchs, dont 4 contre des universités américaines et 1 contre l'équipe nationale des Bermudes. National des Bermudes, donc ça va être intéressant. Pascal, je veux te parler, évidemment, je veux te commenter l'actualité du basketball. Évidemment, on est actuellement en train de se préparer pour la Coupe du Monde qui va avoir lieu à la fin du mois de septembre. Plusieurs joueurs canadiens et américains, mais on va s'attarder plus aux Canadiens parce que les Américains ont quand même beaucoup de profondeur, ont déclaré forfait. Es-tu déçu? Moi, je suis déçu parce que je m'aurais attendu que... Parce que ça, c'est important parce que le Canada n'est pas classé pour Tokyo l'an prochain, là. Non, ça fait partie de, si je me trompe pas, les top 2 au championnat mondial ils ont un ticket pour Tokyo. Ça veut dire que le Canada, ça va être, l'année prochaine, ils vont devoir se qualifier dans les Jeux des Amériques. Fait que c'est pas, même si on est le pays maintenant qui a le plus grand nombre de joueurs dans la NBA après les États-Unis, comme tu as dit, c'est un petit peu décevant, je sais, pour parler au niveau individuel, R.J. Barrett, on m'a dit qu'il était blessé, puis il est après se préparer pour sa première saison dans la NBA. Il s'est blessé à Summer League, je pense. Ouais, c'est ça. Jamal Murray, il était présent, ouais. Mais je pense que c'est sa fille, il vient signer un gros nouveau contrat. Juste pour Wiggins, on sait que Wiggins avec le Canada, ça n'a jamais bien marché. Là. Ouais. Chris Boucher, je sais vraiment pas pourquoi. C'est un peu surprenant le fait qu'il est avec les Raptors, qu'il va jouer pour Nick Nurse. Je ne sais pas si c'est une blessure ou une décision personnelle. Fait qu'on se retrouve quand même avec plusieurs joueurs qui sont pas dans la NBA, qui vont avoir la chance de jouer avec l'équipe nationale. Tu sais, Danny, on peut blâmer les joueurs. Moi, je vais être honnête avec toi que derrière la scène, t'as les agents. T'as la famille des joueurs. T'as les clubs qui préfèrent. Je suis certain que les Knicks veulent que RJ soit à New York en ce moment avec leur staff, avec leur monde. Mais t'as Warren Barrett qui est le père, qui est le directeur général. Moi, je sépare les deux, là. Je pense pas qu'il va forcer. RJ a déjà démontré son intérêt pour jouer pour Canada, là. Fait que je pense qu'il y a vraiment, tu sais, il y a vraiment des joueurs dans toutes les équipes nationales, Danny, qui ne joueront pas pour de vraies, ce que j'appelle de vraies raisons, OK? Mm. Mais il y en a plusieurs qui vont se reposer. Tu sais, dans la NBA, tu as 82 matchs. Même Zion a décidé de poser avec l'équipe select. Mm. OK? Puis on sait que Zion, ben là, il est avec les Pelicans. Fait mon point dans ça, c'est que il y a différentes raisons. OK? Mais le Canada et les États-Unis, surtout le Canada, on n'a pas ce côté loyal des équipes nationales comme l'Europe et comme l'Amérique du Sud. Si je prends l'Argentine, je pense que Manu a joué 20 ans. Manu, il a toujours joué, là. Qui a gagné un championnat avec les Spurs ou non, il était là. Tristan Thompson, il y a une raison. Tristan Thompson, il a gagné un championnat avec Cleveland. Puis 2 semaines après, il était équipe nationale, là. Tu comprends? Fait qu'il y a des joueurs qu'on sait qui sont loyaux et qui vont vouloir jouer. Mais il y a certains joueurs. Puis là, maintenant, FIBA a comme changé un peu le calendrier de l'année. Fait que, si je me trompe pas, les jeux commencent à la fin août jusqu'à la mi-septembre. Puis la NBA, Danny, commence plus tôt la NBA maintenant. Avant, la NBA commençait comme le 31 octobre. Mais là, les matchs commencent, je pense, vers le 10 octobre. Tu comprends? Ouais. Fait que si tu regardes la fenêtre pour un athlète, oublie pas aussi, il y a une chose qu'on mentionne pas, là, mais c'est où les Jeux cet été, Danny? C'est en Chine, les... Non, mais exactement, ouais. Danny, c'est en Chine. Donc, il y a plusieurs équipes NBA qui s'en vont jouer là-bas. Je te donne un exemple. Carl Kuzma, il est avec l'équipe nationale américaine. Il va partir, il va aller jouer en Chine, il va revenir, il va repartir en Chine avec les Lakers. Là. Mm. Donc, il y a plusieurs joueurs pour plusieurs raisons. Puis sur un jeune, c'est pas la même chose qu'un vétéran. Un James Harden, un LeBron James, un Kevin Durant, Thompson sont blessés. Là. Kawhi Leonard aurait pu, puis je pense que Kawhi Leonard, on sait, puis même si tu l'as vu dans les séries, il était peut-être pas physiquement à 100%. Non, non. Tu sais, la génération, les gens de nos jours, pour plein de raisons, tu protèges ton athlète. La NBA fait un bon travail en commençant plus tôt pour justement forcer le calendrier à avoir moins de matchs un après l'autre, ou mettons, je sais pas, moi, tu joues 3 matchs en 4 jours, ou tu joues, tu sais. Fait que... Mais c'est décevant, mais c'est pour moi, je comprends pour certains joueurs la décision de ne pas participer à cause du calendrier, à cause pour certaines raisons. Mais là, c'est quoi, là? On parle de qui? Kelly Olynyk qui va probablement être la vedette canadienne? Ben, Kelly Olynyk, Corey Joseph, Cambridge de Montréal, Cambridge qui est là. OK. De Montréal. Malheureusement, Chris sera pas là. Il y a d'autres joueurs qui sont dans la NBA qui devraient être avec l'équipe. J'ai oublié certains. Je sais pas si chez des Oklahoma Thunder va jouer ou non. Alexander qui est échangé, là. Ouais, c'est ça, Alexander. Fait que ça donne l'opportunité à des jeunes, comme avec l'équipe américaine, ça donne l'opportunité à des plus jeunes de peut-être même faire l'équipe ou de continuer à jouer. Mais comme tu dis, c'est décevant parce que ça serait ça de voir les meilleurs Canadiens au niveau niveau international performer. Ben, c'est parce que si l'équipe canadienne, ça serait déjà classé, ça serait déjà pas pire, mais pas classé. Tu sais, ce serait moins grave. T'sais, j'aurais aimé ça voir l'an prochain, les RG Barrett. Je m'attends à ce que l'équipe prochaine au Jeu des Amériques pour aller aux Olympiques, là, nos gros joueurs se présentent. OK. Je le souhaite. Au Jeu des Amériques. Mais ils seront pas à Tokyo, effectivement. Fait que... Non, les Jeux des Amériques, les top 3, je pense, vont à Tokyo. OK. C'est pas... Puis autre chose, le championnat mondial avant était 2 ans avant les Olympiques. Là, c'est l'année avant les Olympiques. Tu comprends-tu comment que... T'sais, je m'excuse, Danny, là, mais FIBA, puis l'association... Ils n'ont pas nécessairement aidé ou favorisé les ligues pro ou les ligues... ou la NBA en changeant leur calendrier. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, effectivement. Pascal, effectivement, donc deuxième point d'actualité que je veux te parler de ce qui s'est passé avec une nouvelle qui est survenue 2 semaines après qu'on s'est parlé. Les Raptors de Toronto qui vont tenir le camp d'entraînement à Québec. Ça, c'est une bonne... Écoute, il n'y a pas de match au Centre Bell cette année, mais les Raptors, et c'est une coïncidence finalement, mais c'est tout que... Pour le développement du basket, là, ça va faire parler beaucoup. Ben c'est très important, surtout qu'ils sont les champions NBA en plus de prendre la décision de venir faire leur camp d'entraînement. Puis Danny, je sais pas si tu as vu les nouvelles installations PEPS, je dis nouvelles ça fait quelques années, là, mais c'est tout un beau gym de basketball, un des plus beaux gyms universitaires au Canada selon moi. Où le Rougeard joue, fait que de faire leur camp d'entraînement là-bas, je trouve ça vraiment le fun pour la NBA, puis les Raptors ont décidé de venir faire ça au Québec en plus. Fait que je pense qu'avec la frénésie du basketball au Canada, c'est vraiment une honneur d'avoir les Raptors ici. Puis je pense qu'il va y avoir aussi un genre de 5 contre 5 devant le public qu'ils vont faire. Là. Okay. Fait que c'est vraiment intéressant pour le basketball québécois. Fait que ça va être une période là, intéressante pour les médias, tout le monde qui vont suivre ça. Vince Carter qui va poursuivre sa carrière avec les Hawks, c'est drôle, les Raptors, je l'aurais vu que les Raptors terminer sa carrière, parce que Vince Carter, lorsqu'il va rentrer, parce que je pense qu'il va rentrer au Temple de la Renommée, il va être plus identifié aux Raptors. Oui, il va être identifié aux Raptors. Il y a plein de raisons pourquoi qu'il soit à Toronto ou non, là, c'est toujours une question de contrat, puis la situation là, fait que mais je pense que il est très impressionnant à voir jouer. Je pense qu'il vient de se rendre à 41 ans, il fait encore des dunks sur les joueurs. Ouais. Puis il y a une bonne relation avec Atlanta, ce qui est une jeune équipe. Je pense qu'on apprécie beaucoup ce qu'il peut faire avec les jeunes joueurs. Disons qu'il y a plus de jeunes joueurs à Toronto. Tu l'aurais-tu vu à Toronto? Ben, je pense qu'il fit peut-être pas nécessairement le groupe qu'ils ont, mais okay. Utiliser un vétéran comme Vince, moi, personnellement, j'aurais trouvé ça, avec le départ de Kawhi Leonard, on a quand même une équipe très intéressante qui revient à Toronto, mais peut-être d'ajouter Vince, ça l'aurait peut-être mis un peu plus de piquant. Ouais. À la saison qui s'en vient, selon moi. Puis c'est sûr que Vince aurait pu aider tous les jeunes joueurs des Raptors, et encore plus Pascal Siakam, d'avoir un Siakam qui risque d'être le gros joueur des Raptors, qui un joueur étoile en devenir en ce moment. Et Vince, je pense, aurait été quelqu'un d'un bon mentor pour lui, selon moi. Fait que ça, moi, j'aurais peut-être aimé ça, mais comme je te dis, c'est une question de contrat, une question de situation à Toronto. De vouloir ramener Vince. Non, mais c'est sûr qu'on va le voir au temple de la renommée, potentiellement avec le chandail des Raptors. Effectivement. Troisième point d'actualité que je veux te parler, de la NCAA. L'année passée, à pareille date, on se préparait à accueillir Duke, McGill contre Duke, il y avait Zion Wallinson, il y avait plusieurs joueurs qui étaient là, R.G. Barrett, Cameron Reddish, Reddish n'était pas venu finalement. Mais là, cette année, vous êtes... actuellement, ça se passe actuellement. Là. Les équipes de McGill et ainsi de suite jouent. Il y avait un match à la place Bellier. C'était contre qui, en passant? Hein? Il y avait un match mercredi soir. L'Université Carleton, défendant en titre canadien, a joué contre l'Université de la Floride du Sud. C'est une équipe qu'on a vue dans le March Madness? Ils ont joué dans le March Madness, oui. Ouais. Je pense que c'est l'équipe de Taco Fall, si je ne me trompe pas. OK. Qu'on va voir avec les Celtics. Donc Carlton les a battus mercredi soir, je pense, par 9 points. Et hier soir, c'était McGill contre la même équipe, l'Université de South Florida. Et McGill a perdu par à peu près 25 ou 30 points. Ça a été c'était le troisième match de la Floride, donc ils étaient pas mal prêts à jouer McGill, ouais. Puis ils voulaient pas perdre un deuxième match en terre canadienne. Et le deuxième match, parce qu'il y avait deux matchs jeudi soir, il y avait Concordia contre Quinnipiac, un autre division 1. De Upstate New York et une équipe intéressante, Quinnipiac dans une bonne conférence, et Concordia a gagné le match par je pense c'est 6 ou 8 points. Il y avait près de 2000 personnes hier et mercredi soir pour les matchs. Okay. Est-ce qu'on peut voir amener un Syracuse, surtout Quincy Guerrier va être là cette année? On pourrait avoir une université un petit peu plus connue, sans avoir Duke, sans avoir North Carolina. On espère, et il ne faut pas oublier Danny Schack. Donc, il y a des règlements pour les universités américaines que tu peux jouer à l'extérieur du pays une fois à chaque 2 ans, je crois. OK. Tu vois? Ouais. Il y a des règles à suivre. Fait que, exemple, Duke pourrait pas venir au Canada pendant les 2-3 prochaines années, quelque chose comme ça. Okay. Ou aller jouer en Europe, exemple. Okay. Fait qu'on voit souvent les équipes soit à Hawaii ou à Porto Rico, mais ça, c'est considéré comme les États-Unis. Mais une équipe a le droit à un voyage comme j'ai... Une joueuse que j'entraîne, elle est avec l'Université de Purdue, Léonie Boudreau, et en ce moment, elle est en Australie avec l'équipe Purdue. Je te donne une idée. Ça, c'est leur voyage hors États-Unis. Okay. Tu as le droit à un voyage une fois par 2 ou 4 ans, je pense. OK. Dernier point d'actualité, je veux te parler. J'ai commencé à regarder un petit peu plus cette année en détail le 3 contre 3, le Big 3 là, qui se passe à CBS, les tournois. Là. Question que je me pose, est-ce qu'un jour, on va voir ça aux Jeux Olympiques, le 3 contre 3? Ouais, je pense que ça s'en vient, Danny. Si c'est pas déjà fait pour Tokyo comme sport, tu sais, il y a toujours une année où on fait des tests, là. Ouais. Je pense qu'il va y avoir du 3 contre 3 à Tokyo. Et juste pour faire la boucle avec la place Belle, moi, puis Danny, tu peux le mentionner dans les médias. Moi, j'aimerais ça que Evenco ou la place Belle invite le 3 contre 3 parce que c'est des anciennes vedettes de la NBA. Ah ouais, pour les gens qui se rappellent, il y a des joueurs quand même Stoudemire joue dans la ligue en ce moment, Steven Jackson. C'est du bon basket, c'est vraiment le fun. C'est toutes les anciennes stars de la NBA, beaucoup de vedettes de la NBA, des entraîneurs tout ça. Jimmy Fredette, entre autres. Ouais, d'avoir un événement 3 contre Big 3 avec Ice Cube tout ça à Montréal, ça pour moi ça serait quelque chose de le fun. Parce que ça existe, là. C'est de la manière que ça fonctionne, que je peux comprendre, c'est un circuit qui se déplace semaine après semaine dans différentes villes aux États-Unis. Il y a des tas, il joue des matchs. Ouais. Mais il n'y a pas vraiment de ville comme telle, là. Et, ça se termine. Ouais. par une tournée de fin de semaine ici-là. C'est une genre de ligue, mais ils jouent des matchs, exactement. Ils jouent des matchs au championnat. Enfin, ça serait le fun, peut-être, que Montréal devienne une des villes où. Ouais. Puis la place B, ça serait un endroit parfait pour jouer. Et je pense que ça serait possible. Parce qu'il y a des joueurs quand même assez connus, là. Tu sais, Lamar Odom est là-dedans, qui était avec les Clippers. Le plus connu, c'est Stoudemire, je pense. C'est des vedettes. Ouais. Pascal, gros merci. Ouais. On se reparle dès que l'actualité va l'exiger. Ça fait plaisir, Daniel. Notre ami Pascal Jobin.